grand-papa, meurt ce sarde, Bagradia Deleda. Chez nous, en Sardaigne, plus que Noël, on fête Pâques, et plus que Pâques, la Pentecôte. Le peuple sarde est d'instinct un peuple poète, et très pauvre. Pour le villageois et le pâtre, la Noël représente l'extrême misère. Pâques même est sans joie, mais alors on sait déjà si la récolte sera plus ou moins abondante. L'étrangleur, Strozzino, le nom populaire donné à l'usurier, fera plus de crédit. La cueillette des olives est finie, et déjà les campagnes offrent pieusement les herbes nourricières. À la Pentecôte, l'orge est presque mûre, et les troupeaux donnent leurs meilleurs produits. C'est le moment de tondre les brebis et de marquer d'une empreinte au fer rouge les génisses et les taurins de l'année. Cette tâche pastorale, et d'autres encore, prennent un vrai caractère de fête. Les familles du berger et du patron passent ensemble la journée, unies par un même sentiment de joie et par le plaisir saint que donne à toutes les âmes simples et primitives le contact de la nature sacrée. Je me rappelle toujours avec nostalgie ces scènes idylliques auxquelles j'assistais, me semble-t-il, à une époque très ancienne, presque en une vie intérieure, tant elles sont lointaines, autres, plus fortes, plus naïves que celles du continent. Combien de ces scènes ai-je narré? Mais il en reste toujours au fond de ma mémoire, comme une canzone non chantée encore, demeure en l'âme du rhapsode errant. Je me rappelle, entre autres, une scène un peu dramatique, un peu sentimentale, qui se déroula en une de ces fêtes rustiques. Ma famille possédait un troupeau gardé par Zio Andrea, un vieux pâtre, qui ne revenait quasiment jamais au pays. Naneda était une dame très compatissante, une de ces figures qui apparaissent non appelées, où il y a une douleur à soulager. Je ne pus me représenter Naneda sans l'avoir bandé une plaie, vêtir un cadavre, rendre courage à une femme trahie, réconcilier deux amants. Elle était aussi d'un caractère gai, toujours prête à saisir le côté ridicule des personnes et des choses. « Ce petit est presque un orphelin. Il est sans père et sa mère est malade, » nous dit-elle en parlant du bambin qu'elle conduisait. « Oui, très malade, et de plus très pauvre. » Le mioche, assis au fond du char préhistorique qui nous transportait, ne paraissait nullement soucieux de son triste sort. Il agaçait les bœufs avec une baguette, riait, criait. Seulement de ci de là, il tournait ses yeux noirs et lumineux vers Naneda, la regardait fixement, puis éclatait de rire et cachait dans ses menottes sa frimousse vermeille pleine de fossettes. Il était très éveillé. La carriole, où les femmes seules étaient assises, tandis que les hommes précédaient à cheval, poursuivait son lent voyage à travers les campagnes vertes, incultes, désertes, un temps splendide, légèrement voilé. Les montagnes, glauques et azurées, semblaient voisines sous la ligne blanchissante de l'horizon. Dans les lointains, on voyait, comme des feux pâles derrière l'émeraude des bruyères, les buissons de genêts fleuris. Le conducteur, un petit paysan, qu'on eût pris pour un Éthiopien, montrait de l'aiguillon ce champ et cet autre, il en nommait les propriétaires, dont il comptait les faits et gestes. « Voici la tanka de Prelédoukoria, » fit-il en traversant un pacage peuplé de petites vaches noires. Ce jeune et riche paysan a séduit la fille de Zio Andrea, quand celle-ci, il y a de cela quelques années, était son berger. L'amoureuse n'était plus de la première jeunesse, elle était plutôt un peu mûre. Sa faute était donc plus grave, et Zio Andrea ne pardonna pas, il ne voulut plus entendre parler de sa fille. Alors, entre Naneda et le conducteur, c'est là une discussion fort intéressante, mais trop longue pour être rapportée. La dame affirmait que la faute est moins grave dans une personne un peu sur l'âge, car la jeune lurette a le temps d'attendre, d'espérer, mais la femme, déjà sur le retour, est au bout du rouleau. Le voiturier disait le contraire, les autres femmes riaient avec malice. Après 2 heures de voyage environ, nous arrivâmes à un bois encore parfumé de cyclamen. Zio Andrea vint à notre rencontre, nous salua, plaisanta avec les dames. Il n'était pas si hirsute ni si farouche qu'on l'avait dépeint. C'était plutôt un petit homme allègre, encore alerte pour ses 70 ans, gringalet, étique, moricaud, avec une courte barbe de neige et 2 yeux noirs très vifs sous d'épais sourcils blancs. « Oh oh, vous voilà bien accompagné » cria-t-il, voyant le bambin qui avait les yeux fixés sur lui. « Pas de danger que les brigands vous attaquent avec ce jouvenceau et le fusil, mon petit gars. Pas un même de bois, c'est ton fils, Naneda. Pour aujourd'hui, oui, reprit-elle. Il est le fils d'une telle. » Et elle nomma la femme malade. Le bambin, le bonhomme, devint rami du coup. « Je veux traire les vaches, » dit l'enfant. « Je veux voir les taureaux. Je n'ai pas peur, moi. Je suis fort, moi. Tante Naneda m'a dit qu'il y a encore des sangliers ici. Je veux les voir. Je suis brave. »« Oui, Ida, compris, » fit le petit vieux, battant des mains. « Tu veux te battre avec quelque chose ? Eh bien, nous te donnerons un morceau de fromage avec du miel dessus. Et tu l'anéantiras, illico. »« Ah, ça, je le mange, illico, » répondit le bambin, très grave. Puis il se mit à courir de ci, de là, et à se fourrer dans tous les recoins de la cabane. À tout moment, il s'approchait de Ziwandria, et je les voyais rire et babiller ensemble. Pendant que les femmes préparaient le dîner, les pâtres attachaient les génisses et les taureaux, puis les enfermaient l'un après l'autre dans une sorte de cage formée de troncs. Ziwandria rougissait au feu la marca, espèce de cachet aux initiales du patron, et l'imprimait rapidement sur le flanc des pauvres bêtes qui, au contact brûlant, mugissaient et se tordaient. Déliées ensuite, elles fuyaient en léchant leurs poils roussis où demeurait gravé le nom du propriétaire. Le mioche écarquillait ses grands yeux avides, et quand génisse et taureau mugissaient trop fort ou fuyaient, effrayés loin de leur cage de torture, lui aussi filait à l'intérieur de la cabane, épeuré, tremblant. « Comment ?» disait Ziwandria. Tu veux voir les sangliers sauvages et tu t'épouvantes pour si peu. Je t'ai dit, moi, tu dois combattre avec la bouillie ou avec le fromage et le miel. Et tu disais que tu voulais rester avec moi dans la bergerie ou faire le guet la nuit contre les brigands. Oui, oui, je veux rester avec vous, cria le petit. Mais vous me donnez le fusil, le couteau, le bâton. Je tuerai tous les méchants gens. Alors il ne restera plus garde de vivants, fit le vieux, attristé. De temps en temps, Naneda appelait l'enfant dans la cabane en lui montrant un morceau de viande ou de fromage frais. Le petit bout d'homme en culotte courait à la dame, et je le voyais manger et écouter attentivement tout ce qu'elle lui disait. Il faisait signe que oui, puis il retournait vers le pâtre et recommençait à jacasser. Quand Ziwandria allait prendre les génisses au pré, le bambin lui courait après. Le vieux faisait mine de se fâcher et criait. « Tu me fais perdre trop de temps, jeune luron. » Mais il le prenait par la main et l'emmenait avec lui. Pendant le dîner, le petit gars fut assis près du vieux, et tout à coup il pencha la tête sur la jambe de Ziwandria et s'endormit. Naneda se leva, disant qu'elle voulait porter dans la cabane le petit homme qui reposait. Mais le berger s'écria « Laisse-le, ne l'éveille pas, qu'il est joli !» Parfois, tout en babillant avec la dame et les autres pâtres, il passait une main sur la mignonne tête du poupon et le regardait avec une admiration affectueuse. « Puisqu'il vous plaît tant, prenez-le pour fils, » dit Naneda. « Il est orphelin de père et sous peu il le sera encore de mère. »« Je suis vieux et trop pauvre pour me permettre une telle fantaisie, » répondit Ziwandria. « Alors, pour petit-fils, » insinua la dame. Le vieux fronça ses sourcils blancs et drus. La dame comprit les secrets de pensée qui le troublaient et ne poussa pas la plaisanterie. Après le dîner, les pâtres reprirent leur besogne. Les dames s'allongèrent sur l'herbe et dormirent. Moi aussi, je fis comme elles. Quand je m'éveillais, je vis le bambin, dispo et allègre, en grand entretien avec Naneda. Elle lui disait « Écoute bien, Ziwandria aura fini sous peu. Elle viendra se rasseoir sur l'herbe. » Tu dois alors jeter les bras à son cou et le tenir serré bien fort. Puis tu dois lui dire « Grand-papa, je suis votre petit-fils. Je veux rester avec vous. » « As-tu compris ?»« Oui, » répondit le petit homme. « Moi aussi j'avais deviné toute la comédie. Mais est-il possible que le vieux ne connaisse pas encore le petit ? Ne l'a-t-il jamais vu ? » demandai-je à la dame. « Il n'a jamais voulu le voir. » Et puis l'enfant était encore en robe avant-hier. En culotte, il paraît un autre. Le vieux et le marmot se ressemblent, observa une femme. Je crois que Ziwandria doit avoir remarqué ça et se doute de quelque chose. Tant mieux, reprit Naneda. nous attendîmes quasi anxieusement. Les hommes finissaient de marquer les génisses. Entre-temps, Zio Andria appelait le petit. « Tu n'approches plus, bonhomme ?»« Non, venez donc vous, j'ai à vous dire une chose. » Finalement, le vieux s'approcha. « Ça y est, » fit-il, en s'asseyant sur l'herbe. « Maintenant, à l'année prochaine, buvons à la santé de tous. » Ils burent, puis le vieux demanda au bambin. « Donc, que faisons-nous ? Tu restes, oui ou non ? Les voleurs se sont déjà tous sauvés de ces parages en te cherchant ici. Est-ce que tu restes ?» Le bambin courut à lui. Il se tourna, regarda fixement Naleda, puis embrassa le vieux et lui dit quelques mots à l'oreille. « Parle fort, je suis sourd. »« Grand-papa, je suis votre petit-fils et je veux rester avec vous. » Zio Andria devint rouge, quasi violet, puis très pâle. Il tenta de repousser le petit, mais celui-ci le tenait serré, et il riait. « Ah, c'est toi qui m'as joué ce tour, vieille sorcière !» cria le vieux, menaçant Naleda d'une main et de l'autre, serrant contre lui son petit-fils. Ce fut tout. La dame se mit à pleurer. Ce qui du reste lui arrivait très souvent. Les yeux du vieillard étaient pleins de larmes aussi. « Pourquoi pleurez-vous maintenant ? » demanda le bambin. « Avez-vous peur des voleurs encore ? » ?»« Oui, j'ai vu un sanglier là au loin. J'ai peur, dit Zio Andria, et il serrait contre lui l'enfant. « Attendez, j'y vais, et je le tue, ne pleurez plus !» Mais une voix cria. « le voilà pour de vrai, le sanglier, le voilà par ici, cours donc, tue-le, Boboredo !» Mais le petit audacieux se mit à crier de peur, étreignant le vieux, qui maintenant ne le lâchait plus. C'était Grand-papa, Meurs sarde, par Grazia Deleda.